ton état de single hero. Arrête d'être un innocent quand t'as 18 ans. Puis du répugnant, quitte ton état de fille adolescent. Quand t'as 18 ans, c'est le début des emmerdements. Tu dois signer des tonnes de papier. Tu fais désormais partie de la citoyenneté. C'est fini, la vie sans souci. Tu ne prends plus le temps de souffler sur les pissenlits. Maintenant, c'est travail, famille, patrie. Voilà ce en quoi tu consacreras ta vie. Quand t'as 18 ans, t'es plus un enfant. Tu tombes état d'esprit et les livrants. Arrête d'être un innocent. Quand t'as 18 ans, faut que tu te casses de chez maman. Et puis que tu dormes sur la paille, parce que t'as pas trouvé travail. Au pire t'iras à l'usine, avec les petits chinois de la Chine. Et surtout t'étonnes pas si tu gagnes paradis. Faut le faire des études, fallait être un bourgeois. Quand t'as 18 ans, t'es plus un enfant. Tu dis ton état d'esprit délirant. Arrête d'être un innocent.